Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawm nadkhul fi ad-dars as-sabi', septième leçon. Toujours en fasl al-iman billah, le chapitre de la foi en Allah Azza wa Jal. Donc nous avons cité des points qui touchent à la foi et l'auteur rahimahullah ta'ala continue en citant as-su'al at-tasi'u 29e question. Kam shu'ab al-iman? Combien est-ce que l'iman a de branches? Tout cela comme on l'a expliqué, on l'a déjà cité auparavant, donc alhamdulillah namshi. Qal al-bid'u wa sittun أو بدون مصابون الشعبة soit 60 ou 70 branches. Et même dans le livre de son question-réponse de Hakami, il a cité les paroles de ulama qu'ils ont dénombré toutes. Mais il n'y a pas de preuve que ces shu'abs sont vraiment ceux qu'eux, ils ont dénombré. Quoi qu'il en soit, ils ont dénombré une 70aine, à peu près. قال والدليل حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بدعون وبدعون وسبعون أو بدعون وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان تطول الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Le hadith que c'est la preuve qu'on a cité dans le dernier précédent que la foi est de 70 soixantaine de branches. La meilleure c'est le fait de dire la ilaha illallah et la plus basse c'est le fait d'ôter les obstacles du lieu de passage et la pudeur est une branche de la foi. Donc là, après, c'était la 30e question qui, elle, revient à cette question-là, qui est « Ma a'lai shu'ab al-iman » qui est la plus haute branche de la foi. Et la réponse, comme on vient de citer, c'est le fait de dire « La ilaha illallah ». Et le fait de le dire, bien évidemment, avec ses conditions. Pas une simple prononciation de la langue, vide de tout sens, dénuée de tout sens, d'accord, de toute conviction. Elle a des conditions, comme cela va venir à Bizina Ta'ala. Non. À le prononcer comme ça tout seul, sans plus de conditions, cela ne sert à rien du tout. ثم قال في السؤال ال 31 31ème question ما ادنى شعب الايمان quel est le plus bas niveau de la foi. On l'a dit dans le hadith, c'est le fait d'oser les obstacles des lieux de passage. قال في السؤال 32 32ème question اذكر بعض شعب الايمان cite certaines branches de la foi. Et طيب donc l'auteur là il cite اولا الايمان بالله la foi en Allah. C'est parmi les branches de la foi. وملائكتي le fait de croire en ses anges, car le fait de croire en Allah seul sans le croire au reste ne suffit pas, d'accord. La foi en Allah c'est un pilier vecteur, mais il ne suffit pas de tout. C'est quelqu'un qui dit moi je crois en Allah mais je ne crois pas aux anges, je ne crois pas aux messagers et ainsi de suite. Donc ça c'est une branche de la foi, ce n'est pas toute la foi. Donc le croire en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin qu'il soit bon ou mauvais, de faire accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, siyam ramadan, le hajj et le jihad, ou l'adl, le fait d'être juste, ou l'bir et le walidain, la bienfaisance envers les parents, silat al-rahim, entretenir les liens de parenté, al-sidq, la véracité, ou al-sabr, la patience, ou l'amana, rendre le dépôt, ou talab al-ilm, rechercher la science, akl al-halal, manger ce qui est licite, ou l'haya, la pudeur, ou imatatul adha'an al-taliq, et le fait d'opter doter des obstacles, des lieux de passage. Ceux-là sont des branches, il y en a d'autres, elles sont nombreuses. Parmi les preuves de ces branches, qu'allahu ta'ala, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Que Allah vous ordonne d'être juste et d'être bienfaisant. Ou plutôt vous ordonne la justice et la bienfaisance. Et d'entretenir les liens de parenté. Il interdit les turpitudes, ainsi que les choses répréhensibles, ainsi que l'injustice. Il vous exhorte afin que vous vous rappeliez. An-Nahl, les abeilles, verset 90. Verset qu'on a déjà cité auparavant en disant que ce verset-là, le verset le plus général dans le Coran, qui regroupe toutes les choses en elles-mêmes. Après, il a besoin d'être détaillé. Mais ce verset regroupe tout. D'accord? Il regroupe tout à lui tout seul. وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Que Allah vous ordonne de rendre le dépôt à ces gens, à ces ayants droit. An-Nisa, les femmes, verset 58. Car rendre le dépôt, c'est une branche de la foi. وقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ô vous les gens, mangez de ce qu'il y a sur terre, dans ce qui est licite et qui est bon. Et ne suivez pas les traces de Shaitan, car il est certes pour vous ennemi déclaré. Al-Baqarah, la vache, verset 168. Donc le fait de manger du licite est une branche de la foi. Et celui qui mange du licite, cela réduit de sa foi, bien évidemment. Et le hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsque la délégation de Abd al-Qays sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger, il leur a ordonné al-imanu billah, d'avoir la foi en Allah azza wa jal seul. Et il leur a dit hal tadrun ma al-imanu billah, savez-vous qu'est-ce que la foi en Allah seul? Il dit Allah wa rasuluhu a'lam, que Allah et son messager sont plus savants. Il dit shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salat wa itaus zakat wa sawm ramadan wa tu'tu al-khums min al-maghnim min al-maghnim. Le hadith muttafaqun alayh. Il a dit c'est quoi le fait d'avoir la foi en Allah seul? Il a dit d'attester qu'il n'y a d'une dîne ou qu'il n'y a nul de divinité digne d'adorer si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager, et le fait de faire la salat, et le fait de s'occuper de la zakat, et le fait de faire le sixième de Ramadan, et le fait de donner le cinquième du butin. Donc là, regardez, l'iman dans ce hadith-là est plus large, englobe plus de choses déjà. Après, par rapport au talab al-ilm, dans le hadith d'Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه, que celui qui prend une voie par laquelle il recherche le savoir, Allah lui facilite une voie pour aller au paradis. Rawahu Muslim. Donc tout cela sont des branches de la foi. وكذلك حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل فقال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور حديث متفق عليه. Lorsqu'il fut interrogé sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur des actes, il dit la foi en Allah et son messager. Donc là c'est un acte du cœur également. Et si on prend le hadith précédent, ça englobe des actes des membres, comme il l'a dit dans le hadith dans al-iman billah, lorsqu'il fut interrogé par la délégation de Abd al-Qays, il a dit la commission de la salat et l'acquittement de la zakat, et le siyam, et autres. Donc, ta'ara, tantôt, on le définit comme cela, et tantôt, on le définit de façon plus large. Il cita également par la suite, quel est le meilleur acte après cet iman? Il dit, le djihad sur le sentier d'Allah. Il dit, et ensuite, lequel? Il dit, le hajj mabrour, le hajj bien accompli. Et les hadiths sont très nombreux, pour ne pas tous les citer. Et cette mas'ala, nous l'avons discuté auparavant dans d'autres durus. Naam. Thumma qala fi su'al al-thalith wa thalathin, 33e question. Ma hiya awthaq wara al-iman, quelle est l'anse la plus solide de la foi? Qu'est-ce qui est le plus solide dans la foi? Qala fi al-jawab al-hubb fi Allah wal-bu'd fi Allah wal-mawalatu fi Allah wal-mu'adatu fi Allah. Le fait d'aimer à Allah et de détester à Allah, le fait de s'allier pour Allah et le fait de prendre en animosité pour Allah. Donc c'est pour dire que le muslim n'aime pas tout le monde et il ne doit pas détester tout le monde. Des gens, il ne t'est pas permis de les détester. Et des gens, il ne t'est pas permis de les aimer. Et d'autres, en mesure de leur foi et de leur droiture. D'accord ? Chose importante, le muslim n'aime pas tout le monde. Et même chez les muslimines, ils n'aiment pas tout le monde de la même façon. À bien comprendre cela. Et ce n'est pas de la hizbiya. D'accord ? Ce n'est pas de la hizbiya, ce n'est pas du sectarisme. Ça, c'est de la foi. Car les muslims ne sont pas tous pareils. Naam. Wa dalil, c'est quoi ? Hadith de Ibn Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Abi Dharr. Ayu ghura al-iman adhunhu qala awthaq qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala al-mawalatu fi Allah wal-mu'adatu fi Allah wal-hubu fi Allah wal-bughdu fi Allah. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quel est, il interrogea Abu Dharr radhiyallahu anhu, il lui dit quel est l'anse la plus solide de la foi. Il dit Allah ou son messager sont plus savants. Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam, l'alliance en Allah, le désaveu pour Allah, et l'amour en Allah, et l'animosité en Allah. Le fait que tu détestes pour Allah. Donc cela est une adoration. Le hadith était apporté par At-Tabarani dans le Mu'jam al-Kabir et il était authentifié. Naam. Donc de là s'achève ce derse, ce septième derse. Walhamdulillah bil alamin.